بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le chapitre, ou bien on est toujours dans le même chapitre, mais on commence le cours numéro 37. C'est le chapitre Bab Fadl al-Tawhid وما يكفر من الذنوب. نعم. On est toujours dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sur yani, le poids dans la balance au jour de la résurrection, hein, ou bien plutôt dans le hadith en particulier qui était le hadith à propos de Moussa alayhi salam lorsque il a demandé un dua à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de dire la ilaha illallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand Moussa dit mais tous les serviteurs disent la ilaha illallah, hein, alors qu'est-ce qu'il a répondu, hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, il dit, même si tu mets les sept cieux, les sept terres sur la balance et que tu mets la ilaha illallah à l'autre côté, la ilaha illallah va être plus lourd. D'accord. Et là on était en train d'expliquer au dernier cours que cette réalité, ce fait que la balance soit plus lourde pour la ilaha illallah, plus lourde que les sept cieux et les sept terres, eh bien ça c'est en particulier pour la personne qui dit la ilaha illallah mais avec ses conditions. Si quelqu'un dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mais qu'elle ne le dit pas avec les conditions, c'est-à-dire l'amour, la sincérité, l'acceptation, la pureté, hein, à l'ikhlas, et la soumission et l'amour, toutes les conditions qui ont été mentionnées, les sept conditions de la ilaha illallah, bien il y aura pas ce poids là. La ilaha illallah n'aura pas de valeur. En particulier la première condition qui est la connaissance, le fait de savoir ce que cette parole signifie, de savoir ce qu'elle affirme, ce qu'elle nie, et de savoir ce qu'elle implique, hein. Donc ça c'est fondamental, il faut savoir ça, hein. Tu peux pas être musulman si tu ne le sais pas, si tu comprends pas ça. Malheureusement il y a des musulmans qui le disent mais qui font le contraire de ce que ça signifie, et c'est ça qu'on expliquait en fait à la fin du cours. Maintenant on continue inshallah. Ok. Donc ici le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan dans Qurrat Uyun al-Muwahidin, le charh de Kitab al-Tawhid du petit-fils de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan. Donc il dit Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, ka hali akthari man yaquluha qadiman wa hadithan walakin fi awakhir hadhihi al-umma akthar ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة. نعم. Donc ici le Cheikh Abdurrahman il explique qu'il y a des gens qui prononce le témoignage de la ilaha illallah sans respecter les conditions, et il dit ça c'est l'état de beaucoup d'entre ceux qui prononcent cette parole dans le passé comme à l'époque actuelle, hein, à notre époque, mais dans les derniers temps de la Ummah ça va être encore plus, dans les derniers temps de cette Ummah ça va être encore plus. Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, يقولون لا تشغل الناس بالتوحيد توحيد توحيد توحيد لا تشغل الناس بالتوحيد توحيد توحيد يعني كم سي الله المستعان. Donc il dit يقولون لا تشغل الناس بالتوحيد توحيد توحيد سبحان الله هذا سمعناه منهم قرأناه في بعض كتبهم هؤلاء يخشى عليهم من الردة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل الذي يستثقل التوحيد ويستثقل معنى لا إله إلا الله والدعوة إليه وبيانه للناس هذا يكون مرتدا عن دين الله. Donc le cheikh il dit, il y a des gens aujourd'hui, ils disent, dérangez pas les gens avec le tawhid, arrêtez de distraire les gens ou d'occuper les gens avec le tawhid. Toujours tawhid, vous avez rien d'autre à enseigner que le tawhid. Comme si c'était quelque chose qui dérangeait les gens, il faut pas en parler. Donc il dit, le cheikh, subhanallah, on a entendu ça de leur part. Et on l'a lu dans leurs livres. Et on craint pour ces gens-là l'apostasie s'ils ne se repentent pas. Peut-être qu'ils quittent l'islam avec ce genre de propos. Parce que celui qui trouve que le tawhid c'est quelque chose qui est lourd, qui est dérangeant, ou qui trouve que la signification et l'explication de la ilaha illallah c'est quelque chose qui est lourd, dérangeant pour les gens, il ne faut pas en parler. Alors il dit, si tu vas appeler les gens au tawhid, expliquer aux gens le tawhid, ça c'est trop, c'est lourd, ça dérange les gens, laisse-les tranquilles, arrête de leur parler de ça. Il dit, la personne qui parle comme ça, yani, ça fait partie de l'apostasie. Yani, cette personne-là, yani, quand elle parle de cette manière, elle ne réalise peut-être pas, mais yani, elle apostasie de l'islam en parlant de cette manière. Elle quitte la religion d'Allah. Et on a des fois, il y a des gens comme ça, ils réalisent pas le danger de leurs propos ou la gravité de leurs propos. Ça il y a souvent des gens comme ça. C'est comme des gens, par exemple, des jeunes qui se pensent intelligents sur Internet ou bien dans les réseaux sociaux, soit sur Facebook ou sur Twitter ou d'autres moyens de communication comme ça. Et puis tu leur parles de quelque chose qui a rapport avec la religion, tu leur cites le Coran, les hadiths, tu leur mentionnes les paroles des ulama, de la sunna, et les propos qu'ils ont mentionnés à propos des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des explications sur différents sujets, puis eux tu les vois, ils postent des trucs comme MDR, ou bien d'autres lettres comme ça pour se moquer, pour rire comme si c'était une blague, en voulant dire comme si qu'est-ce que tu dis, c'est pas ça, ça vaut rien, tu vois. Mais c'est grave parce qu'ils se moquent de la religion en agissant ainsi, ils réalisent pas, et ça c'est du kufr. Surtout se moquer de la religion, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Ne vous excusez pas, vous avez bien, bel et bien renié la foi après avoir cru. Donc ça c'est un exemple de la part de certains, comment ils se moquent de la religion. Ils disent ils font des choses qui sont kufr et ils ne le réalisent pas. Et souvent quand tu regardes dans leur compte de Twitter, tu vois que yani, subhanallah, c'est des gens qui postent que des trucs sur des... Ils postent des trucs seulement sur le football, des sports, des trucs comme ça. Ou bien, des fois, c'est des jeunes, ils ont que des photos de manga ou des trucs comme ça. C'est des enfants, des fois, mais ils réalisent pas la gravité de ce qu'ils disent, Ou bien, des fois, c'est pas des enfants, mais ils postent que des trucs comme ça. Donc, c'est pour dire, yani, la gravité. Eux, ils pensent qu'ils défendent la religion en écrivant ce genre de choses, et ils veulent dénigrer les gens. Ils pensent qu'en agissant ainsi, c'est quelque chose qui va élever l'islam, ou bien qu'ils sont en train de faire un bien. Mais la religion n'est pas basée sur la moquerie. Et même quand tu veux réfuter les innovateurs, les gens de bid'ah, ou des gens qui ont dévié, ou quelqu'un qui a commis des erreurs, la façon de le réfuter, c'est pas en se moquant de lui. On n'a jamais trouvé ça dans l'exemple des prophètes et des messagers, ou dans l'exemple des sahaba, que pour réfuter quelqu'un, il essaie de se moquer de lui ou de faire des blagues ou de rire. Ça, c'est ridicule d'agir comme ça, yani, subhanallah. Si tu lis les livres d'Ibn Taymiyyah, comment il réfutait les gens de bid'ah, subhanallah. Hein? Il va jusqu'au fond de leurs égarements pour les réfuter jusqu'à la base. Et il ramène les preuves et les réfutations détaillées de chaque point avec les preuves du Coran, les preuves de la Sunna, les preuves également des paroles des ulama, des salafs. Et puis après, il va même utiliser des arguments rationnels pour leur montrer la fausseté de ce qu'ils disent. Tout ça, yani, subhanallah, ça montre la sincérité de la personne. Ça montre le fait que lui, il veut vraiment du bien pour les gens et les guider et les ramener au droit chemin. Pas seulement les rabaisser ou les humilier ou les insulter ou les dénigrer ou se moquer d'eux. Hein? Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien de faire ça. Après, le cheikh, il dit, cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il dit, « وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ مَحَبَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا مَا قَامَ بِقَلْبِهِ مِنْ كِبْرٍ أَوْ هَوَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ وَهِيَ كَثِيرًا. » Donc il dit, dans la fin des temps, il y aura plus de gens encore qui vont dire cette parole, mais qui ne vont pas respecter ces conditions. Et il dit, il y en a d'autres qui sont empêchés d'aimer cette parole et de la mettre en pratique à cause de l'orgueil qu'il a dans son cœur, ou d'une passion, ou d'autres causes également, et ces causes-là sont nombreuses. Et le cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit, « وَهَذَا هذا يعرف معناها يعرف مدلولها ولكن يمنعه من الالتزام والعمل بها أشياء إما محبة في الجاه والسلطة وإما هوى في نفسه يتعارض مع مدلول هذه الكلمة وهذا هو الذي يكون حقا من المشركين ما ترك التوحيد إلا بسبب النخوة الجاهلية وتمسكهم من العادات أو وتمسكهم بعادات آباؤهم وأجدادهم أو بعادات أجدادهم نعم ما ترك التوحيد إلا بسبب النخوة الجاهلية وتمسكهم بعادات آبائهم وأجدادهم كلهم يقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا هذه مقالاتهم. Donc le cheikh il dit, donc il y a une autre catégorie de personnes, ils connaissent la signification de la ilaha illallah, donc c'est pas à cause de leur ignorance, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent ce que ça indique. Ils savent ce que ça indique comme preuve. Hein? Mais qu'est-ce qui les empêche d'appliquer, de mettre en pratique la signification de la ilaha illallah? C'est soit l'amour de la position qu'ils ont, ou du statut, ou du pouvoir, ou bien c'est soit une passion qu'ils ont en eux-mêmes, qui vient en opposition avec ce qui est indiqué par cette parole de la ilaha illallah. Wa hadha huwa alladhi, donc c'est ça, cette personne là c'est elle qui est réellement parmi les mushrikin. Et il dit le cheikh, il n'a abandonné le tawhid ou l'unicité d'Allah excepté à cause de sa fierté, de la jahiliya, de la fierté de l'ignorance, ou bien le fait qu'il s'est accroché à des traditions de ses ancêtres, de ses pères, de ses grands-pères ou de ses ancêtres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il les cite dans plusieurs versets dans le Coran, le verset 24 dans Surat al-Mu'minun, lorsqu'ils disent « Nous n'avons pas entendu cela chez nos premiers pères », ou bien « Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion », ou « Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos ancêtres adoraient ou ce que nos pères adoraient ?» Ça c'est leur genre d'argument. Hein? Si tu leur demandes pourquoi vous faites qu'est-ce que vous faites, ils disent oui, mais nos ancêtres ils faisaient ça, donc on est obligé de le faire. Hein, mon père il faisait ça, mon grand-père il faisait ça, mon arrière-grand-père il faisait ça. Donc ça veut dire que c'est la vérité. Sauf que c'est en contradiction avec ce que le prophète a enseigné. Donc comment tu peux t'accrocher à ça alors que tu sais que c'est en contradiction avec tout ce que les messagers ont enseigné de la part d'Allah. Et ça contredit tout ce qui est écrit dans les livres que Allah a révélé. Hein? Et toi tu t'accroches encore à qu'est-ce que tes parents ont fait, qu'est-ce que tes ancêtres ont fait. Peut-être qu'ils étaient dans l'erreur. Et le cheikh dit ici ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. نعم, donc dans ces versets-là, il y a également des exemples de ça, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, jusqu'à ce qu'ils disent, alors attendez jusqu'à ce que Allah vienne avec son ordre. Certes, Allah ne guide pas les peuples pervers. Donc, je vais juste prendre une pause parce que là, on a un invité qui est arrivé là. Tu m'avais dit que ton nom c'était Jonathan. Alors, comment ça va? Ça va, oui, ça va bien. Alhamdulillah. Donc, dans ton message, tu me disais que tu voulais te convertir à l'islam. Ouais. Est-ce que tu as étudié un petit peu des choses sur la religion musulmane déjà? Ah, ok. Ok. Oui, bien sûr. Ok. Ok, ok. C'est bon. On a des cours d'arabe ici maintenant, le lundi et le vendredi. Ouais, si t'es intéressé, là, tu peux toujours venir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as connu des musulmans qui t'ont aidé ou qui t'ont appris des choses? Ah, ok. D'accord. Oui. Oui, ah, ok. Inch'Allah. Bon, ben c'est bien, t'es à la bonne, t'as frappé à la bonne porte, Inch'Allah. Et la raison pourquoi je suis ici, c'est Allah qui m'a bon, alhamdulillah. C'est Allah qui t'a guidé, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, tu es au courant, tu sais que la chose la plus importante, le premier message, la chose la plus fondamentale dans l'islam, est-ce qu'on t'a expliqué qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que tu es au courant? Wa alaykoum salam. C'est sûr que je suis en train de beaucoup de choses apprendre. D'accord. Ok. Tu veux apprendre? T'as pas de structure, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, le sujet qu'on est en train d'expliquer dans le livre qu'on est en train d'enseigner maintenant, c'est justement à propos de ça. Le plus important de tous les points, de tous les sujets, de tous les fondements dans la religion musulmane, c'est la foi en l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il est un, et que il y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. Et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, peu importe qu'est-ce que ça peut être ou qui ça peut être, que ce soit une idole ou une statue, ou que ce soit un prophète, un ange, ou que ce soit une image, que ce soit les étoiles ou le soleil ou la lune, que ce soit un esprit invisible, ou bien que ce soit, peu importe, hein, que ce soit une tombe ou un mort, ou les ancêtres que les gens ils adorent, toutes ces formes d'adoration, tout ce qui est adoré en dehors de Dieu, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est faux. Et c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Ça, ce principe-là, ce fondement-là, c'est la base de l'islam. Si quelqu'un n'a pas cru en ça, même s'il fait tout le reste, même s'il va prier 5 fois par jour, même s'il jeûne le ramadan, même s'il fait la zakat, même s'il fait le pèlerinage à la Mecque, s'il n'a pas cru en ce point-là de façon correcte, tout le reste n'aura aucune valeur. D'accord ? Donc c'est ça la priorité, le fondement, la chose la plus principale et primordiale. C'est la chose par laquelle tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, tous les prophètes, quand ils sont venus à leur peuple, ils ont toujours commencé par leur enseigner ça. Que Dieu est unique, que c'est lui seul qui doit être adoré, et que ce qui est adoré en dehors d'Allah doit être rejeté. D'accord? C'est ça la base. Et une fois que ça c'est compris, et que tu es d'accord avec ça, alors ça veut dire que là maintenant tu peux commencer à apprendre toutes les autres choses de la religion. Et pourquoi j'explique ça en particulier maintenant? Parce que je sais que toi, tu veux te convertir à l'islam. Comme tu m'as dit toi-même, tu es haïtien, tu es d'un background chrétien. Hein? Donc, dans le christianisme, à la base de l'enseignement de Jésus, il y a l'unicité d'Allah. Il y a le tawhid. Sauf que, après Jésus, des gens ont déformé son enseignement et ses messages. Et à cause de ça, aujourd'hui, tu rentres dans une église, tu vas trouver des gens qui prient à Jésus, qui prient à une image, qui prient à des croix, qui prient à des statues, hein, qui prient à des idoles en fait, à des saints, et qui vont faire des pèlerinages à des tombes ou à des morts, et qui adorent ces choses-là en dehors d'Allah. Hein. Alors, Jésus pour nous les musulmans, il n'est pas Allah, il n'est pas non plus le fils d'Allah, il n'est pas... Exactement, c'est le fils de Marie et c'est un prophète, un messager envoyé. Et donc on doit croire en lui, c'est obligatoire. Si quelqu'un refuse de croire en Jésus, il va pas être accepté comme étant musulman, parce que la foi en Jésus c'est un des piliers parmi les piliers de la foi, dans le sens que il fait partie des prophètes. Et de croire en tous les prophètes, c'est une obligation. Soit Adam, Abraham, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, tous les autres prophètes, Jésus, Salomon, David, tous les prophètes, tu es obligé de croire en eux. Si tu renies un seul d'entre les prophètes, un seul d'entre les messagers, tu peux plus être considéré musulman à partir de ce moment-là, tu vois. Donc, c'est fondamental, sauf que il faut comprendre et il faut savoir que les chrétiens, par contre, ont dévié dans leur compréhension, dans leur croyance à propos de Jésus. Ils en ont fait un Dieu, hein. Ils l'ont adoré en dehors d'Allah, ils l'ont déifié. Et ça, pour nous les musulmans, c'est considéré comme étant le pire des crimes et le pire des péchés, parce que c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe le shirk. Et le shirk, Allah il dit dans le Coran que c'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre. C'est ce péché-là, c'est le seul péché que si quelqu'un, lorsqu'il meurt, il ne s'en est pas repenti avant sa mort, il ne sera pas pardonné. C'est-à-dire, il est garanti d'aller en enfer pour l'éternité. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tandis que tout autre péché qui est moindre que le shirk, hein, même si ça fait partie des grands péchés, mais si c'est pas du shirk, dans le sens que t'as pas adoré d'autre que Allah, eh bien, dans ce cas-là, il y a toujours l'espoir que tu sois capable d'entrer au paradis quand même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te pardonner. Même si c'est comme certains croyants, à cause de certaines faiblesses dans leur foi ou des manquements dans leur religion, certains croyants, certains musulmans, ça peut arriver qu'ils tombent dans des péchés. Ça arrive. Parce que l'être humain, il est créé comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala il dit kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et le meilleur d'entre les pécheurs sont les repentants, c'est-à-dire ceux qui se repentent, qui demandent pardon à Allah et qui se réforment. D'accord? Donc on dit s'ils ont commis des péchés, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner, sauf que s'ils meurent sur un péché quelconque et que avant de mourir ils ne se sont pas repentis de ce péché-là, sauf qu'ils n'avaient pas fait du shirk, eh bien ils peuvent, c'est possible que Allah leur fasse miséricorde, qu'ils aillent au paradis directement. C'est possible parce que Allah il peut leur pardonner pour différentes choses, des différentes causes. Mais par contre, c'est possible que quelqu'un Allah le punisse quand même et qu'il soit en enfer pour un certain temps, mais du moment qu'il n'a pas associé d'autres divinités avec Allah et qu'il n'a pas adoré d'autres que Allah, eh bien, il aura tôt ou tard la possibilité de sortir de l'enfer et d'entrer au paradis lorsqu'il aura été nettoyé et purifié de ce péché-là. Allah va lui faire miséricorde et le rentrer au paradis. Donc ça, tout ça, c'est pour nous montrer l'importance du tawhid, hein, l'unicité d'Allah et la gravité du shirk. Tu voulais dire quelque chose? Ah oui, non, c'est ça, c'est une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans l'islam, il y a le Coran, le Coran, c'est la parole d'Allah, et il y a les recueils des paroles du prophète et de ses actions, qui sont dans d'autres livres. C'est qu'est-ce qu'on appelle la sunna. Ouais, et la sunna, c'est les recueils dans lesquels il y a les actions et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rassemblées et recueillies par les compagnons, par les compagnons du prophète. Et on a des livres ici avec les hadiths, hein, il y en a beaucoup. Et donc ça, il faut les étudier. C'est qu'est-ce qui explique le Coran. Donc le Coran, il a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ses compagnons aussi. Donc c'est pour ça que la religion de l'islam, elle a gardé sa pureté et sa clarté à travers les siècles. Et donc c'est important de comprendre ça et de connaître ça, parce que de la même manière que chez les chrétiens, chez les juifs, il y a eu des déviations. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a averti sa umma. La umma, c'est-à-dire la nation des croyants, de ceux qui sont musulmans. Il les a avertis qu'il y allait avoir aussi des déviations parmi les musulmans. Comme il y en a eu chez les juifs, comme il y en a eu chez les chrétiens, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, après le prophète Muhammad, il y en a des gens qui vont venir parmi les gens qui vont essayer de changer le message de l'islam. Donc ça c'est une réalité. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous allez voir ça, alors ramenez ça à qu'est-ce que j'ai laissé, ma sunna que j'ai laissée. Si vous voyez qu'il y a des divisions, des divergences, des désaccords entre les gens, accrochez-vous à ma sunna. C'est la sunna qui va te protéger, te préserver de tomber dans les égarements de ces différentes fractions. Hein? C'est ça. Parce que le fait de s'accrocher au texte, de s'accrocher à la révélation, de s'accrocher à la sunna, c'est ce qui va éviter que tu tombes dans la déviation et dans les égarements des différents groupes ou des différentes tendances qui sont apparues à travers les siècles de ceux qui ont dévié du droit chemin. Donc, ceci dit, yani, l'islam est basé sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc ça veut dire, ça consiste à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Et quand tu dis que Muhammad est le messager d'Allah, ça implique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie des différents messagers que Allah a envoyés, que c'est un d'entre eux, que c'est le dernier, après lui il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres jusqu'à la fin des temps. Et également, ça implique que tu dois suivre ses ordres, t'abstenir de ce qu'il a interdit, tu dois croire en ce qu'il a mentionné au sujet de la religion et adorer Allah de la manière qu'il nous a montré de l'adorer. Hein? Et que ce qu'il a amené comme révélation, que Allah lui a révélé le Coran et la Sunna. Donc ça, tu dois te limiter à ce qu'il a amené, parce que ce qui était là auparavant a été abrogé par ce qu'il a amené. Donc si par exemple quelqu'un est musulman aujourd'hui, il était chrétien, il devient musulman, ou juif, il devient musulman, bien ça veut dire que là, il va pas dire bon, mais malgré que je suis musulman, maintenant je vais continuer à me référer à qu'est-ce qui était révélé dans les livres précédents. Ou qu'est-ce que les prophètes précédents faisaient. Si qu'est-ce que les prophètes précédents faisaient dans certains détails, que c'était en accord avec qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de le faire. Sauf que si ce qu'il faisait avant a été abrogé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné ou ne l'a pas fait, alors dans ce cas-là, on doit se limiter à l'exemple de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. D'accord ? Ça, c'est le premier pilier. Ça comprend donc le témoignage, comme je t'ai dit. Quand quelqu'un devient musulman, pour qu'il soit accepté en tant que musulman, il faut qu'il prononce ce témoignage-là. Il faut qu'il dise « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ». Du moment qu'il dit ça, ça veut dire qu'il le dit avec connaissance, il comprend ce que ça signifie, il comprend ce que ça implique, et il y croit avec sincérité, hein, et il a renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah dans son cœur, hein, et il est d'accord, il accepte de le mettre en pratique. Alors dans ce cas-là, s'il dit ça, cette parole-là, eh bien il sera musulman, il sera considéré comme un musulman à partir de ce moment-là, d'accord. Donc l'islam, l'entrée en islam est basée sur la prononciation de ce témoignage avec la croyance du cœur et ensuite la mise en pratique de ces principes. Ensuite, le deuxième pilier de l'islam, c'est les 5 prières quotidiennes. Et quand on dit prière, il faut savoir que pour nous les musulmans, il y a différents types de prières. Parce que dans le christianisme, quand tu parles de prière, ça veut dire en général tu te recueilles, puis tu te confies à Dieu, tu parles à Dieu, tu demandes des choses au Créateur. Ça, c'est dans l'islam, ça c'est une sorte de prière, on appelle ça le dua, l'invocation. Mais les 5 prières quotidiennes, c'est une sorte de prière ou une catégorie de prière spéciale, spécifique, qu'on fait 5 fois par jour, qu'on appelle la salat. Et la salat, elle a une description spécifique. Il y a des mouvements spécifiques qu'on doit faire. Il y a des choses spécifiques qu'on doit prononcer, qu'on doit réciter. Et tout ça, ça dure environ, disons, une prière en général. Quand on la fait, c'est recommandé de la faire en groupe. S'il y a une mosquée qui est à proximité, dans ce cas-là, ça... Si t'es capable d'y aller à chaque prière, ça c'est l'idéal encore, parce que ça va t'aider encore plus à apprendre. Donc quand on prie, on fait ces 5 prières là, ça c'est à 5 moments de la journée: à l'aube, à midi, l'après-midi, le coucher de soleil et le soir. Ça c'est les 5 moments de la journée. Et c'est des intervalles en principe, c'est-à-dire la prière de midi, tu as jusqu'à l'après-midi pour la faire. Comme là maintenant, la première prière est à 1h30, la deuxième elle va être à 5h30. Parce que l'été, étant donné que la journée est longue, les prières sont espacées, il y a des grands écarts entre chaque prière. L'hiver, des fois c'est différent parce que la journée est courte. Donc les prières sont très très serrées l'une après l'autre, d'accord. Sauf le soir, là il y a plus de temps parce que la nuit est plus longue, d'accord. Donc ça c'est par rapport à la salat. Donc tu dois, pour faire cette salat là, il y a une purification qu'il faut faire. C'est qu'est-ce qu'on appelle le wudu. Donc il faut se purifier avec de l'eau, laver les mains, le visage, les pieds. Et lorsque tu fais ça, là tu pries, ça c'est 5 fois par jour. Donc c'est pour dire que tu peux prier dans l'islam, si tu parles de prière comme l'invocation, le dua, tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel nombre de fois, et tu n'as pas besoin d'avoir la purification pour pouvoir faire des duas. Peux le faire dans l'état, même si tu n'as pas fait ton ablution ou ton wudu, tu peux toujours faire des invocations. Donc des fois j'ai parlé avec des chrétiens, quand je leur dis nous les musulmans on prie 5 fois par jour, et il y en a qui me disent seulement ça, c'est pas beaucoup, nous on prie toute la journée, hein? Et là je leur dis oui, mais ça c'est pas la même chose. Vous, qu'est-ce que vous parlez? Pour nous ça c'est pas la salat, Ça, c'est qu'est-ce que vous, vous parlez. Nous, on appelle ça le dua. Dua, on peut le faire n'importe quand. On le fait toute la journée. Du matin jusqu'au soir, on fait du dua à chaque instant dans notre journée, dans tous les moments de notre vie. Chaque chose que tu fais dans l'islam, il y a un dua avec. Quand tu sors de chez toi, quand tu rentres dans ta voiture, quand tu rentre dans la mosquée, quand tu sors de la mosquée, quand tu mets ton vêtement, quand tu l'enlèves, avant même, si tu as des rapports, tu es marié, tu as des rapports avec ta femme, il y a une prière à faire, un doigt à faire avant de le faire. Hein? Avant de rentrer à la toilette, en sortant de la toilette, avant de manger, après de manger, il y a toujours des invocations et des doigts à faire, des prières à faire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Parce que l'islam, c'est une façon de vivre. C'est pas seulement juste tu dis je suis musulman puis ça s'arrête là. Non, c'est dans toute ta façon de vivre que ça va se manifester ton islam, d'accord. Et la religion de l'islam, c'est pas une religion non plus qui est comme le christianisme, qui se limite uniquement aux affaires spirituelles et la croyance. Non, dans l'islam, il y a des règles sur l'économie, il y a des règles sur l'héritage, il y a des règles sur le divorce, il y a des règles sur le mariage, il y a des règles sur comment gouverner, il y a des règles sur la paix, la guerre entre les États, toutes les questions de relations internationales. Il y a les règles qui parlent également sur les peines, le jugement, tous ces aspects-là sont des aspects qui font partie de l'islam. C'est pour ça que dans l'islam, en réalité, il n'y a pas de différence entre qu'est-ce qu'ils appellent la laïcité, toi, de séparer la religion puis la vie des gens. Comme si tu dis, la religion, c'est juste à la mosquée. Mais dehors de la mosquée, tu peux vivre comme tu veux, dans le sens que même si par exemple des choses sont contraires à la religion, bon, c'est pas grave, tu fais comme tu veux en dehors de la mosquée. Non, c'est pour ça que dans les pays musulmans, les musulmans, toute leur vie est gérée par l'islam. C'est sûr qu'il y a des pays qui sont plus pratiquants ou qui appliquent plus que dans d'autres pays, mais ça c'est toujours parce qu'il doit toujours y avoir un processus d'éducation puis d'enseignement, de clarification de la vérité. Puis l'attachement des gens, c'est normal. À certaines époques, c'est différent par rapport à une autre, ou à des endroits par rapport à d'autres. Donc ça fait partie de, comme on dit, la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les choses soient, pour qu'il y ait une lutte pour la vérité, dans le bien. Toujours. Donc après le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat. Et la zakat, c'est une somme d'argent que les riches doivent donner aux pauvres. Et c'est, par exemple, ça dépend si par exemple quelqu'un, si quelqu'un, la richesse qu'il possède, c'est par exemple de l'argent, il a de l'argent, donc sa zakat, ça va être sur son argent. Et s'il possède du bétail, des bêtes, des animaux, des vaches, des moutons, des choses comme ça, la zakat va être sur ces animaux. S'il a un magasin, puis il vend de la marchandise, sa zakat va être sur sa marchandise. S'il a des récoltes, cultivateur, sa zakat va être sur ses récoltes. Hein. Et pour chaque catégorie, il y a une quantité qui est déterminée par le Coran et la Sunna. Et donc, par exemple, pour la zakat sur l'argent, c'est 2,5% de l'argent que la personne a, mais à condition que cet argent-là, elle a été gardée ou économisée pendant une année complète. Donc, une fois que l'argent, on l'a gardé pendant une année complète de côté, puis elle a atteint un certain montant. Donc, si par exemple, supposons quelqu'un, pendant une année, il avait économisé plus que 5 000 dollars, par exemple, eh bien, à la fin de l'année suivante, il va prendre, il va faire sortir de cet argent-là, supposons qu'il avait 10 000, il va sortir 2,5% de cet argent-là. Donc 2,5%, ça veut dire que s'il a 100 $, ça va être 2,50 $. S'il avait 1000, ça va être 25 $. S'il avait, et ainsi de suite. Donc, plus qu'il avait, plus qu'il doit sortir. Si c'était 1000, donc il va faire sortir, je pense, 250. Non, c'est 25. En tout cas, je ne suis pas fort en mathématiques, ou bien surtout en calcul mental. Hein, c'est pas ma force. Donc, donc c'est pour dire que c'est pas une grosse somme, 2,5%. Ça c'est qu'est-ce qui est le minimum obligatoire par rapport à la zakat. En dehors de la zakat, il y a les sadaqat. C'est-à-dire quelqu'un, s'il veut donner 1 million de dollars, il peut le donner s'il veut. Et s'il veut le donner à n'importe quel moment de l'année, il peut le donner à n'importe quel moment. Il peut le donner n'importe quel montant. Même s'il veut donner 10 sous, il va donner 10 sous. Allah il va lui récompenser pour ça. Mais la zakat, c'est spécifique. C'est comme je disais tantôt, la salat, c'est spécifique par rapport à la prière. Eh bien, la zakat, c'est spécifique par rapport à la charité et l'aumône. C'est une zakat obligatoire, tandis que les autres sadaqat, c'est volontaire. Tu le fais ou tu le fais pas. C'est toi qui décides. Et ensuite de ça, donc ça, c'est pour la zakat. C'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est le jeûne du Ramadan. C'est-à-dire que pendant le mois du Ramadan, qui est un mois musulman, un mois lunaire, du calendrier lunaire, la personne, pendant ses 29 ou 30 jours, elle va s'abstenir de manger, de boire pendant la journée, à partir de l'aube jusqu'à le coucher de soleil. Donc de l'aube au coucher de soleil, elle va s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports avec sa femme. Et ça, c'est en particulier, disons, plus long. Disons, pendant l'été, c'est la journée est plus longue, donc c'est plus long. Pendant l'hiver, la journée est plus courte, donc c'est moins long. Mais il y a un cycle, hein, parce que étant donné que le calendrier lunaire, il n'est pas fixé comme le calendrier solaire. Le calendrier solaire, les mêmes mois arrivent toujours dans les mêmes saisons. C'est-à-dire décembre, c'est toujours en hiver, puis janvier aussi, et puis juin et juillet, c'est toujours en été. Tandis que dans l'islam, dans le calendrier musulman, c'est la même chose aussi pour les juifs qui ont un calendrier lunaire aussi. Eh ben, les saisons tournent avec les mois, suivent pas les saisons. Comme si cette année, on a fait le Ramadan en été. Hein, et l'année prochaine, ça va être à l'automne, ou bien au printemps, pardon. Donc c'est pour dire que à chaque année, ça recule. Jusqu'à ce que ça fasse le tour du calendrier. Donc moi, quand je me suis converti, le Ramadan était au mois d'avril, et j'ai fait le tour du calendrier depuis. Parce que moi aussi je suis converti à l'islam. Moi aussi je suis haïtien comme toi. Oui, c'est vrai. Oui, à peu près. À peu près 1%. Peut-être moins que ça même. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est ça. Le jeûne du Ramadan, en fait, c'est pas compliqué, mais c'est basé sur. Disons, ça, pas seulement s'abstenir de la nourriture, de boire, ça c'est un des aspects qui est important, mais aussi de s'abstenir de tout ce qui est interdit de façon générale, comme on le fait en dehors du Ramadan, encore plus pendant le Ramadan. Comme si quelqu'un, par exemple, il jeûne la journée, puis qu'il se permet par la suite d'insulter les gens, de faire du mal, de voler, de mentir ou de faire d'autres péchés, de regarder des choses qui lui sont pas licites. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est nécessairement plus valeureux par rapport à son jeûne. parce que son jeûne va être diminué dans sa récompense et dans sa valeur par rapport à ces péchés-là. Et il y a aussi le fait de faire le pèlerinage à la Mecque, c'est le cinquième pilier, et ça c'est obligatoire pour une personne qui a la capacité une fois durant la vie. Hein? Donc si tu as la capacité, tu as les moyens, tu as la capacité physique, tu as la capacité économique de faire le voyage, d'aller et de revenir, donc à partir de ce moment-là, c'est obligatoire pour toi de faire ton pèlerinage. Et ça, c'est une fois dans la vie. Et c'est d'aller à la Mecque, à l'endroit où il y a la maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba. C'est la première maison d'adoration qui a été construite sur terre pour l'adoration du Dieu unique par Abraham et son fils Ismaël. Donc ça, c'est les lieux saints dans lesquels il a vécu, il a bâti cette maison pour ça seulement. Non, c'est pas au Maroc. La Mecque, c'est en Arabie Saoudite. Ouais, ouais. Donc, d'y aller, c'est obligatoire une fois par vie. Si tu peux le faire plus qu'une fois, c'est bien. Mais l'obligation, le minimum, c'est une fois. Combien de temps ça dure? Ça dure quelques jours. C'est-à-dire à peu près 5, si je me trompe pas, 5 jours à peu près. Donc ça dure pas longtemps. C'est pas quelque chose qui est extrêmement long. C'est juste que c'est une épreuve en même temps parce qu'il y a beaucoup de monde, il fait chaud, il faut de la patience. Et ça c'est une des choses qui est mentionnée justement par rapport au Hajj, c'est que si quelqu'un va faire son Hajj, c'est pas seulement d'aller faire les rites, mais en même temps aussi de se préserver de faire des péchés, de se préserver de perdre son calme, de pas insulter les gens, de pas se disputer, de pas dire des mauvaises paroles, des obscénités de pas faire des péchés, donc de se réserver en fait. C'est ça, c'est pour se rappeler de l'exemple d'Abraham et de tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y a des endroits où tu dois aller, des choses que tu dois faire, certains rites. Et puis, le but, c'est d'établir l'unicité d'Allah, encore une fois. Donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Maintenant, il y a aussi les six piliers de la foi. C'est le premier, c'est la foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les messagers, la foi en les livres, la foi en la vie après la mort, hein, le jugement dernier, et la foi en la prédestination, c'est-à-dire de croire que tout ce qui arrive, Allah subhanahu wa ta'ala l'a su à l'avance et il l'a écrit. Et il l'a voulu, et c'est lui qui l'a créé. Ça, c'est les 6 piliers de la foi, très résumés. C'est certain que c'est important de les comprendre avec les détails et les preuves. Et ça, bien entendu, au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'islam, eh bien, tu vas pouvoir, disons, t'approfondir dans ces choses-là. D'accord? Donc c'est ça. Et puis il y a aussi des choses par rapport à la religion musulmane, c'est que c'est pas seulement les 5 piliers de l'islam qui sont obligatoires, c'est-à-dire que en dehors des 5 piliers, il y a aussi des obligations et des interdictions, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais pour la santé, mauvais pour l'homme. Tout ce qui est nuisible, c'est interdit à la base. Et donc, par exemple, les musulmans, on n'a pas le droit de manger du porc. Hein? On n'a pas le droit de manger du porc. C'est-à-dire que ça, c'est un des animaux qu'on n'a pas le droit de manger, mais il y en a d'autres aussi. Par exemple, les animaux qui sont carnivores. Les chiens, les chats, et les animaux qui ont des crocs et qui ont des griffes, hein, on n'a pas le droit de les manger. Donc c'est pas seulement le porc, les animaux carnivores et les animaux qui ont des crocs et des griffes. Aussi les oiseaux de proie, les oiseaux de proie comme les faucons, les aigles, les animaux qui mangent d'autres animaux, on n'a pas le droit de les manger aussi. En dehors de ça, on a le droit de manger tous les animaux qui sont bons. Et aussi les animaux qui vivent dans la mer ou dans l'eau, ça tout est permis. Et on a le droit de manger les poissons, les fruits de mer. Il n'y a pas, ça c'est, il y a pas de problème. Et les animaux qui sont permis à manger, pour qu'on puisse les manger, ils doivent être égorgés d'une certaine façon. C'est-à-dire énoncer le nom de Dieu, et puis ils doivent être égorgés pour être vidés de leur sang. Ça fait sortir tout ce qui est mauvais, puis en même temps, ça fait en sorte que l'animal, elle ne souffre pas. Malgré que les gens ici, là, des fois, dans les médias, ils disent qu'il faut les électrocuter pour qu'ils ne sentent pas la douleur avant. Mais déjà, l'électrocution, c'est déjà une douleur. Bon, alors c'est pour ça, donc, la condition pour que la viande soit halal, que la viande soit licite, comme on dit, il faut qu'elle soit égorgée, soit par un musulman ou un juif ou un chrétien. Et il faut que, donc c'est ça, il faut que ce soit la viande qui soit licite à la base, comme on a dit. Si quelqu'un égorge un porc, même s'il prononce le nom d'Allah, ça ne va pas être licite. Et si c'est un bouddhiste ou un hindou ou un athée qui l'a égorgé, ça ne va pas être halal. Il faut que ce soit un musulman ou un juif ou un chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on considère les juifs et les chrétiens comme étant des croyants. On ne les considère pas comme étant des croyants parce que les chrétiens, ils prient à Jésus, ils adorent Jésus. Donc ça, c'est une forme de shirk. Donc celui qui fait du shirk, on ne les considère pas croyants. Et les juifs, eh bien eux, ils ne croient ni en Jésus, ni en Mohammed, ni en le Coran, ni en l'Injil, l'Évangile. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas croyants non plus. Donc même si on peut manger leur viande, hein. Les juifs surtout, eux, ils ont la viande cachère, on a le droit de manger ça, il n'y a pas de problème. Mais disons que malgré qu'on peut manger leur viande, ça Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran, dans le surat al-Ma'idah. C'est parce qu'il y a quand même un lien entre les musulmans et les chrétiens et les juifs, du fait que eux, ils ont reçu un livre et ils savent qui sont les prophètes aussi. Donc, pour les rapprocher de l'islam et pour les appeler à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés les gens du livre, parce qu'ils avaient reçu un livre auparavant. C'est ça. Tandis que les Arabes, avant l'islam, n'avaient jamais reçu de livre. Donc, eux sont appelés al-Umiyoun, les illettrés, parce qu'ils n'avaient pas de livre. Et donc, pourquoi Allah les a appelés les gens du livre? C'est pour leur rappeler qu'ils ont une plus grande responsabilité que les autres, puisqu'ils ont déjà un livre. Donc, ils devraient être les premiers à croire en l'islam. Contrairement aux Arabes qui, eux, n'avaient jamais reçu de livre. Donc, pour eux, c'était quelque chose qui était étrange et nouveau, hein. Ils ne connaissaient pas ça. Donc, ça, c'est dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont croyants. C'est juste pour, en fait, d'une certaine façon, pour établir la preuve contre eux. De dire, vous avez le livre, maintenant pourquoi vous ne l'appliquez pas? Pourquoi vous y croyez pas? Pourquoi vous ne le suivez pas? Dans votre livre, il y a la mention de la venue du prophète. Il y a dans votre livre la mention de l'unicité d'Allah. Il y a dans votre livre beaucoup d'autres éléments qui sont clairs, qui supportent et qui confirment qu'est-ce que l'islam enseigne. Parce que l'islam, c'est la première et la dernière religion. Pourquoi? Parce que le mot islam lui-même, il signifie la soumission. Et que le message fondamental de tous les messagers, c'était l'unicité d'Allah. Et la base de l'islam, c'est l'unicité d'Allah. Donc, tous les prophètes ont enseigné ça. Tous les prophètes ont enseigné l'islam. Donc, nous, on dit, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est pas le seul prophète qui a enseigné l'islam à l'humanité. Non. C'est un d'entre les prophètes qui l'a enseigné. Donc, l'islam, il existait depuis toujours. Depuis Adam, c'était l'islam, la soumission à Allah. Sauf que la dernière version, la dernière révélation qui a été ramenée de l'islam, c'est la version du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que ça signifie. Donc pour nous, Abraham était musulman, Jacob était musulman, Isaac était musulman, Adam était musulman, Noé était musulman, Jésus était musulman. Tous les prophètes étaient musulmans parce que musulman, ça vient de l'islam, ça veut dire l'islam, la soumission. Donc tous les prophètes d'Allah, leur religion c'était l'islam. Jésus, il n'a jamais dit, moi je suis chrétien, ma religion c'est le christianisme. Jamais il a dit ça. Sauf que il appelait à l'unicité d'Allah. Il a dit le premier des, le plus grand des 10 commandements, c'est quoi? C'est que tu dois adorer Dieu seul. Hein? Ça c'est le message de tous les prophètes. La même chose si tu regardes Moïse, il a jamais dit aux gens, ma religion c'est le judaïsme, je suis un juif et donc soyez juifs. Il a jamais, c'est pas écrit nulle part dans la Bible ce genre de choses. Il a jamais appelé au judaïsme. Il a jamais dit la religion de Dieu, d'Allah, la religion de Dieu c'est le judaïsme. Non. Mais il a appelé les gens à l'unicité et à respecter sa loi. Entre les prophètes, des fois il y a des législations, des livres révélés qui sont différents d'un messager à l'autre. Il y a des lois différentes parfois. Certaines lois sont abrogées, d'autres sont confirmées. Et ça peut changer. Mais le message fondamental, le message de base, le tawhid, ça c'est toujours le même. C'est pour ça qu'on dit que la religion des prophètes, c'est la même. Tous les prophètes qui ont été envoyés, ils ont été envoyés par le même Dieu, puisque c'est Allah le Créateur, il n'y en a pas d'autre. Et donc, leur religion, c'est la même. C'est pas Moïse qui venait avec une religion qui s'appelle judaïsme, Jésus venait avec une religion qui s'appelle christianisme, puis Mohammed qui venait avec une religion qui s'appelle l'islam. Non. Tous ces prophètes-là sont venus avec la même religion, c'est l'islam, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Et c'est le principe de l'islam. Le principe de l'unicité et du monothéisme, c'est ça la religion en fait. C'est pas nécessairement le fait de dire que ça s'appelle comme ça. Les juifs, ils savent pas quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Bon, ils savent peut-être quand est-ce que ça commence, mais quand est-ce que ça termine, ils savent pas. Ils sont encore en train d'attendre le Messie, hein, alors qu'il est déjà venu. Mais à cause de ça, leur religion s'est jamais complétée. Elle n'est jamais complétée jusqu'à aujourd'hui. Jésus est venu, ils n'ont pas cru en lui. Mohammed est venu, ils n'ont pas cru en lui. Donc ils continuent à attendre. Ils ne savent pas que la religion est complétée. Allah dit dans le Coran, le verset dans Surat Al-Ma'idah, « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam adina. » Aujourd'hui, j'ai complété votre religion pour vous et j'ai parachevé mon bienfait sur vous. Et j'ai agréé l'islam comme religion. Et il dit, Inna ad-dina 'indallahi al-islam. La religion pour Allah, c'est l'islam. C'est cette religion-là qu'il a choisie pour toute l'humanité. Et dans un autre verset, il dit, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il cherche une autre religion que l'islam, alors que c'est à lui que se soumettent dans les cieux et sur la terre, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, bon gré, mal gré. C'est pour ça que les savants de l'islam, ils expliquent qu'en réalité, que c'est pas seulement, les hommes qui sont musulmans. En fait, toute la création est musulmane, est soumise. L'univers entier est musulman dans le sens que tout ce qui existe dans l'univers est soumis aux lois et aux règles que Allah a établies dans l'univers. Qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, ils n'ont pas le choix de lui obéir. Et dans ce cas-là, même, c'est pour ça qu'on dit que même les non-musulmans sont musulmans dans le sens qu'ils sont eux aussi soumis et assujettis aux règles divines et aux lois que Allah a établies dans cette création. Les lois de l'univers, c'est-à-dire les lois naturelles les lois naturelles. Personne ne peut contredire la réalité que Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans la création, qu'il y a de la gravité, hein. Il n'y a pas une personne qui flotte sur la terre, hein, à moins qu'il utilise un moyen quelconque pour contrer la gravité, mais sinon ça, Allah il a établi ça, c'est ça qui régit la situation pour les êtres humains sur terre. Les lois biologiques, ton corps, tu manges, et ben tôt ou tard il va falloir qu'il y a quelque chose qui sort, hein. Ça, tu peux pas t'en échapper. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les gens qui croient pas en Dieu qui peuvent dire non, moi j'ai pas besoin d'aller aux toilettes jamais, hein? Même s'il se retient pendant, hein, quelques heures, tôt ou tard il va falloir que ça sorte, hein? Et même s'il réussit à se contrôler une journée, le lendemain ça va sortir, sinon il va être malade, hein? Donc il peut pas se rebeller contre les lois que Allah a établies dans la création. Il peut pas renier ça. C'est une réalité. Donc, les savants de l'islam, ils expliquent que le musulman, c'est celui dont, déjà, qu'il est soumis à Allah par son corps et par les règles de la création. Donc, d'un côté, il est musulman physiquement parce qu'il n'a pas le choix. Et aussi, il est soumis aux circonstances de la vie. Parce que t'as pas choisi sur quel continent t'es né, ni dans quel pays. T'as pas choisi tes parents, t'as pas choisi ta forme physique, ta couleur, ta langue, la religion de tes parents, t'as pas choisi la date, à quelle année ou dans quelle période t'es né, tu l'as pas choisi non plus. T'as pas choisi toute ta santé, ta classe sociale. Toutes ces choses-là sont des choses prédéterminées par Allah. C'est Allah qui a voulu que tu sois né dans ce contexte-là. Tu peux pas t'en échapper. Même si tu dis non, je suis pas d'accord, tu peux rien faire, hein. Et ça, Allah, il a voulu que ce soit comme ça pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester. Chacun, il a son test, chacun, il a son épreuve. C'est pour ça qu'au jour de la résurrection, chacun est jugé individuellement, hein. Chacun est jugé pour ses actions à lui, hein. Et donc, ça veut dire que d'une certaine façon, personne peut s'échapper de la réalité, hein, dans laquelle Allah l'a placé. Il est donc soumis à Allah dans ce sens-là. On est tous dans cette réalité-là, qu'on soit musulman ou non. On est tous soumis à ça. Maintenant, le musulman, lui, c'est celui qui a accepté volontairement de soumettre son âme à son Créateur. Et c'est ça qui fait la différence entre le croyant et le non-croyant. Parce que sinon, extérieurement, on est tous soumis à Allah, qu'on le veuille ou non. Mais celui qui a accepté de soumettre son âme, c'est lui qui va être en harmonie avec le reste. Parce que tout l'univers est soumis à son Créateur, hein. Donc, quand l'être humain se rebelle et refuse d'obéir, c'est là qu'il est en contradiction avec le reste de l'univers, hein. Mais tandis que lorsqu'il accepte de soumettre aux lois et aux règles de son Créateur, là, il devient en harmonie avec le reste, hein. Parce qu'il devient musulman comme le reste de la création. Donc tout ça, c'est pour dire que l'islam, c'est la religion que Allah a choisie pour l'humanité. Il n'y en a pas d'autre religion que ça, en réalité. Même s'il y a d'autres religions qui existent dans le monde, il y a d'autres choses que les hommes adorent, hein. Mais le seul qui mérite réellement d'être adoré, c'est Allah. Parce que c'est lui seul qui possède les caractéristiques et les attributs de perfection. D'accord ? Ceci dit, si tout ce que je t'ai expliqué maintenant, dans les grands points et les grandes lignes, ça te satisfait et que tu es convaincu de ça, et que tu es prêt et que tu te sens prêt d'accepter cette religion avec sincérité, alors moi je t'invite maintenant à prononcer le témoignage de la foi pour pouvoir entrer dans cette religion. Donc si tu es prêt, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te faire prononcer le témoignage et tu vas le répéter. Et je vais t'expliquer avant ça, je vais te dire qu'est-ce que ça veut dire. Ok, d'accord. Donc, puisque tu me dis que tu la connais déjà, donc on va pas perdre de temps. Donc, je vais te dire, le témoignage, à la base, ça veut dire, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Aussi, je veux juste un point en passant, une parenthèse en passant, pour que que tu sois conscient de ça. Parce que je ne sais pas ta situation, c'est Allah qui sait qu'est-ce qui est dans ton cœur. Et ta sincérité, c'est entre toi et lui. Nous, les musulmans, on juge pas les intentions des gens parce que ça, c'est à l'intérieur de leur cœur. Et on voit, on n'a pas des rayons laser ou des rayons X qui nous permettent de voir le cœur de la personne. Personne peut savoir ça. C'est seulement ton Créateur qui sait. Mais il y a juste une chose par contre, c'est que des fois il y a des gens qui se sont convertis dans l'islam parce que ils sont tombés amoureux d'une femme qui était musulmane et eux ils veulent se marier avec cette femme, alors ils veulent devenir musulmans pour pouvoir se marier, seulement pour pouvoir se marier, pas parce qu'ils croient réellement à l'islam avec conviction. Donc juste pour te faire savoir et pour te faire comprendre ce point là c'est très important, c'est que tu dois savoir que si tu te convertis pour une femme, eh bien cette femme déjà c'est une créature d'Allah, qu'est-ce que tu vas faire si le lendemain ou une semaine après ou quelques temps après elle meurt? Est-ce que tu vas toujours être musulman? Hein? Donc de se convertir pour une créature c'est ridicule parce que cette créature là déjà elle, hein, elle est une créature d'Allah, une esclave d'Allah. Si Allah la reprend, toi tu vas être maintenant pris sans la chose pour laquelle tu l'as fait. Et le musulman, s'il se convertit à l'islam, il faut que cette conversion-là soit pour Allah seulement. Seulement pour plaire à son Créateur, seulement pour son agrément et son visage, rien d'autre. D'accord? Donc je ne dis pas que c'est ton cas, c'est juste quelque chose que je veux te mentionner comme ça, parce que c'est déjà arrivé dans le passé. D'accord? Bon, ok. Alhamdulillah, barakallahu fik. Bon, qu'Allah te garde, hein, toujours sur la guidance. Donc je vais maintenant te prononcer le témoignage. Tu as juste à répéter après moi. Je témoigne. Je te dis la signification, après je vais te faire répéter. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Je vais le dire en arabe et tu répètes. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Donc à partir de ce moment-là, tu es musulman. Maintenant, tu es un frère, parce que les musulmans sont des frères. Allah dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans ne sont que des frères. Donc ça me fait bien plaisir de t'accueillir dans la famille de l'islam, dans cette religion. Et maintenant, tu es rentré sur le chemin. Maintenant, tu dois continuer sur le chemin. Il y a des petits sentiers. Il faut éviter les petits sentiers qui t'amènent ailleurs que sur ce chemin-là. C'est-à-dire, il y a le sentier d'Allah, le chemin d'Allah, c'est-à-dire la religion. La religion, on la représente par un chemin. Et c'est le chemin droit. Et dans chaque prière, on récite le premier chapitre dans le Coran qui est la Fatiha. La Fatiha qui veut dire l'ouverture, parce que c'est l'ouverture du Coran. Et dedans, on dit à chaque prière, Ihdina sirat al-mustaqim. C'est-à-dire, guide-nous sur le chemin droit. Donc, on doit toujours rester sur le chemin droit. D'accord? Donc, alhamdulillah, je pense que ça va être notre cours pour aujourd'hui. Et puis, je vais donc arrêter le cours maintenant. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner des documents pour commencer, comment savoir faire, comment l'ablution, comment te purifier, comment faire la prière. Aussi, les croyances de base de façon simple et résumée. Et puis, avec ça, Inch'Allah, ça va pouvoir t'aider dans ton cheminement, dans ta religion. Alhamdulillah. Et je t'encourage aussi, maintenant que tu t'es converti, d'essayer, ou surtout lorsque tu fais tes premiers pas dans la religion, de faire des efforts pour assister le plus souvent à la prière en groupe, à la mosquée, les cinq prières. Bon, les prières que tu es capable de venir faire, par exemple, le soir en général, tout le monde est capable de venir. Le fait de prier en groupe, ça va t'aider à te pratiquer pour pouvoir apprendre. Parce que au début, c'est un petit peu difficile, mais tu vas voir que ça va venir très rapidement. Et c'est pas si difficile que ça. Moi, je me rappelle au début, quand j'ai commencé les premiers temps, là, c'est sûr que ça m'a pris un petit peu de temps au début à apprendre comment dire la prière comme il faut et tout ça. Mais c'est venu très vite. Parce que j'allais tous les jours à la mosquée, je faisais la prière en groupe. Et le fait de le prier avec les autres, ça m'a aidé à apprendre beaucoup plus facilement. D'accord ? Ok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.